Le cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée a offert le 3 au restaurant Ongyo à Pyongyang un banquet en l'honneur des joueurs qui ont remporté de bonnes performances au championnat asiatique d'haltérophilie 2017. Y en prit part le vice-premier ministre Chun Kwang-ho, membre du comité de direction nationale des sports et autres cadres intéressés, les joueurs, les entraîneurs et les familles.